Bien, messieurs, je vois que tout le monde est enfin présent. Pas trop toi, d'ailleurs. Asseyez-vous. Si j'ai réuni cette cellule de crise, c'est parce qu'une de nos sources nous a confirmé la disparition de ce Gus. Des tirets. Comme vous le savez sûrement, si vous avez été assez malin pour jeter un coup d'œil à son dossier, ce Lascar est un déviant. Un anarchiste de mes deux, comme il y en a plein dans cette putain de ville. Alors, je sais, y'en a qui ont entendu parler de ce mec-là comme d'un libre penseur, qui se laisse pas baiser par le système, comme tous les autres moutons. Bah, entre nous, moi, j'en ai rien à carrer. L'État nous paie pourquoi c'est ces petits merdeux. Alors, je fais mon boulot sans me poser de questions, point barre. Et autant dire que si je vous ai réunis ici, c'est pour que vous fassiez pareil. Donc, vous allez me patrouiller toute la ville de long en large, à la recherche de ce mec, en passant par les endroits clos qu'il a l'habitude de fréquenter. De l'usine à l'îlot 13, vu ? De notre côté, on a déjà lancé un avis de recherche affiché dans les quatre coins de la ville, en plus d'annonces à la radio et à la télé. Histoire que tout honnête citoyen puisse faire son devoir civique s'il a aperçu notre homme. C'est une mission de type prioritaire. Alors vos conneries habituelles de coffrage de dealers, de putes et j'en passe, vous oubliez. Trouver des tirets, ça passe avant. Alors, vous êtes encore là ? Au trop, allez, maniez-vous le cul ! J'pourrais tout quitter sans préavis, voyager pour rectifier ce que j'ai appris, me corriger, me connaître et méditer. On voyage pour changer, nom de lieu mes idées. J'ai pas de guide et serai étranger partout décidé. Je pars pour me réinventer chaque jour. Sur mon parcours des doutes et des angoisses, le temps passe et j'apprends à écouter les gens que je croise. J'évolue sans passer d'un pays à l'autre. Et puis alors, juste un homme en passe d'en devenir un autre. De la nuit à l'aube, la route est nécessaire, mais je laisse derrière moi tout ce que je veux cesser d'être. C'est cette quête qui me fera m'en rendre compte. J'prends que le nécessaire et je marche à ma rencontre. Pas une fois en soi, je sais pas très bien en quoi ça m'aide, mais ça mec, ça m'a conduit à certains endroits. Je suis fou messieurs, mais il se pourrait que je cherche une autre façon de voir celui que j'ai sous les yeux. J'suis même pas sûr j'y arriverai. Un trajet sans motif car il se suffit à lui-même. J'irai nulle part, j'excelle à ma maison. Et je reviendrai certes mais à la raison. J'touche au but en plus j'pense qu'il est trop. Il a court donc chaque jour j'lutte contre mon ego. Car on est qu'au début mon ami et j'en souffre. La route est longue, j'me dois d'économiser mon souffle. La porte s'ouvre, j'me retourne une dernière fois. J'marche vers la lumière, ma part d'ombre est derrière moi.